l'argent, je m'en fous en fait, les gars. Je vous le dis tout de suite. Mon très jeune âge, l'argent, c'est pas une valeur. L'argent, c'est un outil. Là, c'est une clé de 10. Si t'as pas un tournevis pour dévisser ça, tu peux pas le dévisser. Ben, c'est ça l'argent en fait pour moi. C'est pas une valeur, c'est rien l'argent. C'est vraiment rien. Regarde la preuve, 3000 balles, ça rend pas heureux. Tu pensais que tu pouvais régler dans ta famille, qu'ils soient heureux. Qu'ils soient... En fait, ça a fonctionné tout le contraire. Donc l'argent, c'est pas grand chose hein, en fait. Non. Je comprenais pas comment dans un magasin Carrefour on pouvait trouver un briquet, une brosse à dents, du shampoing, des journaux, des chaussures, une casquette, enfin tout. Et ils pourraient ne plus avoir des briquets aujourd'hui et demain ils sont là. Les shampoings, les dentifrices, les boissons, le bazar, l'épicerie, le frais, le surgelé, tu vois, et tout ça. Et ben tout ça, c'est des plateformes différentes, c'est des navettes entre eux, d'accord. Ils sont alimentés par des réseaux internationaux. Le bazar à Carrefour, c'est tout ce qui va concerner l'ordi, la téléphonie, les machines à café, les gobelets, les bidons. Ouais. Tout ça, c'est du bazar. Tout ce qui ne va pas être épicerie, tout ce qui ne va pas être frais surgelé, tout le reste, ça, c'est du bazar. Le vêtement, c'est un bazar. Les sacs, c'est du bazar. Tout est bazar. Il n'y a pas la bouffe. Tout est bazar. Dans les rayons Carrefour, là, tu sais, eh ben, tous ces bazars-là, il y a deux plateformes en France pour tous les magasins Carrefour. Ils sont alimentés, le Nord, par l'Allemagne. Donc, si les Allemands, ils fabriquent des chaises, ben, y a un camion espagnol qui a ramené par exemple des fruits à la plateforme Carrefour. Et ben, lui, on va lui faire un cabotage, on va lui donner un transport. Il va aller en Allemagne, à Berlin. Il va charger des chaises ou au port là-bas. Et les chaises d'été ou des trucs comme ça, il va les descendre à la plateforme à Coudray. Il y en a 5 par exemple de chaises. Il va en déposer 3 à Coudray. Les 2 autres, ils vont recharger ça dans un camion. Ça sera pour la plateforme du Sud. Okay. Et ensuite, là-bas, il y a des conditionnements. Et puis là-bas, il y a des quais. Le quai 21, il va à Thiers, l'autre à Rion, l'autre à Issoire, l'autre à Clermont-Ferrand, l'autre à Angoulême, l'autre à ci, l'autre à ça. Tu le vois, tout c'est ça. Une toile d'araignée, quoi. Il y a 220 lignes d'une plateforme, donc 220 magasins. Et toutes les nuits, c'est pareil. Les shampoings, les dentifrices, les boissons, le bazar, l'épicerie, le frais, le surgelé... Tous les camions que tu vois là, c'est beaucoup la grande distribution, 80%. Et pourquoi on roule à l'arrache ? Que le boulot de nuit, c'est 10 heures. Moi, je roule 15 heures, personne ne dit rien. Pas de syndicat, rien du tout. Chacun fait ce qu'il veut. Le patron, il me voit, il me dit, tu veux gagner un salaire ou un beau salaire ? Et je dis, présente-moi les deux. Il me dit, moi, je peux te faire tourner 6 nuits. Le patron, il dit, ouais, tu veux rouler le dimanche ? Ouais. La nuit, ouais. Tu veux gagner 3000 ? Ouais. Ah bah, il donne le camion. Salut. La 25-47, la date, le prise de poste à 1h du matin, livraison Carrefour Francheville, semi à reposer en débord sur le parc Quenne-Nagel, récupère semi sur parc Malherbe Saint-Quentin-Falavier, SQF, semi remorque 0 pour livraison Castorama Géodis, semi à reposer au même endroit, et ainsi va la vie. C'est complètement... Le boulot, il est... c'est gore, hein, là, c'est quoi. Il m'envoyait ça quand j'étais chez Malherbe. Pareil, prise de poste minuit, chargement Steph Gerland. La Steph à Gerland, c'est des dépôts surgelés, tournée surgelée Montluel dans le Jura là-bas, Cuiseau, mettre semi au quai numéro 5, départ 3h, et ainsi va de suite. Là, c'est... Je leur disais ça, hein. Je viens bosser comme je viens braquer une banque en fait. En gros, c'est ça. Je viens, moi je prends un maximum d'argent, et puis tout le reste, je m'en fous quoi. La sécurité, les machins. Tant pis les gars, hein. L'argent, bah, c'est le nerf, c'est ce qu'on m'a expliqué. Bon, bah voilà, moi le patron ça lui plaît, moi ça me plaît, tout va bien, ainsi va la vie. C'est con hein, ce que je vous dis, c'est horrible hein, ce que je vous dis, hein. Mais c'est ça. 15 heures de nuit, je roule le samedi, le dimanche. Le dimanche c'était interdit de rouler, ou un jour férié les gars, mois de décembre, Noël et tout, je roulais, je l'appelais, j'appelais un affréteur, je lui disais, hey, grand, ce soir c'est férié, je fais quoi avec le camion? Moi je voulais redescendre dans le sud, interdit de rouler, le lendemain c'est férié, tu peux pas. Et j'ai appelé Pascal, je lui dis, je fais quoi? Il me dit, attends ça là, il me dit, t'es en quoi? T'es en bâché là? Je dis, ouais. Et il me dit, ça là, la nuit, tous les chats, ils sont gris. Et tu vas pas te faire arrêter. Ça veut dire quoi? La nuit, les chats sont gris. Tous les chats sont gris, il m'a dit. Et je prenais le camion, je roulais. Et des chauffeurs, ils me disent, ça là, c'est interdit. Ah ben c'est interdit. Il m'a dit, ah là, j'y vais moi. Et je le faisais. Jamais ils m'ont gaulé. Hein. Jamais, jamais, jamais. Attends, je vais te montrer ça. Et je gardais le papier, mais tu vas voir. Attends, je vais te montrer des infractions. Ça, c'était impressionnant. Pas de temps de pause, pas de temps de pause, pas de temps de pause. Rien n'était respecté en fait. Les conduites continues. Tiens, j'en ai trouvé une. Bon, là, dans une boîte. Transport à fond, chauffeur. Sans contestation. Donc ça, c'est une des infractions. Repos quotidien minimum non respecté. Amplitude de 9h, je faisais 15h22. D'accord ? Au lieu de 8h. Bon, il n'y en a pas beaucoup là, des infractions. Tu vas en voir. Tiens. L'analyse de vos données fait ressortir les infractions suivantes. Conduite continue, conduite journalière, conduite hebdomadaire, rien n'est respecté. Conduite sur 2 semaines continues, c'est pas respecté. Le repos, pas respecté. Journalier, repos réduit, c'est pas respecté. Repos hebdomadaire, pas respecté. On classifie tout. Pas de temps de pause. Pas de temps de pause. 7h59 interdit, 7h50 ou 9h interdit. Pas de temps de pause. Durée journalière de travail de nuit, éclatée. Durée de temps de service journalier de 12h, éclatée. Les repos réduits. Normalement, tu as le droit de travailler 2 week-ends. Après, tu bloques, interdit. Je bosse tous les week-ends, les 4. De repos réduit consécutif sur 2 semaines, pas respecté. Repos le plus long dans les 24 heures, 8 heures. Défaut de manipulation, j'ai enlevé la carte, ça m'a saoulé, ça bipait le truc. J'étais en retard. Le truc, il me disait, faut t'arrêter. La carte, ça m'a gavé, j'ai appuyé sur éject, j'ai tout enlevé. Défaut de manipulation, c'est une amende de 5e. Ça, c'est un passage au tribunal, ça. Immobilisation du véhicule. Ah ouais, cash. Mais ils s'en foutent. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, tant que le boulot il est fait, ça dure 28 jours. Poubelle, merci, au revoir. Tu lui ramènes des sous. Moi, ça m'est arrivé sur l'autoroute, j'ai éclaté un peu sur la semi. Un peu. Je l'ai vu partir. Et bien, je me suis arrêté. Et personne m'a rien dit. J'ai continué. Moi, j'ai pleuré dans mon camion des nuits. Je roulais vite, parce que sinon j'arrivais pas au rendez-vous le lendemain. Si à 7h tu te pointes pas à Carrefour, tu as une demi-heure de battement sur des trajets de 800 bornes hein, quand même. Tu roules à l'arrache, tu roules à 130 avec des semi-remorques chargées. Moi j'en ai fait, je doublais des camions sur des zébras, je doublais des voitures sur le brouillard. Les voitures elles me collaient derrière parce que je le bombardais comme un fou. Je connaissais super bien la route, des radars de distance. Je doublais à 95-100 des voitures. Ils se demandaient, le camion, comment ça se fait qu'il n'a pas été flashé et tout. Parce que je connaissais à l'arrache complet pour arriver à l'heure. Alors quoi ? Mais traverser les Cévennes comme ça, l'Ardèche, le col de Chavade, puis Envelay et tout, ben la nuit, tu n'es pas tout seul. Il y a tout ce qui va avoir les animaux, d'accord ? Sangliers, chevreuils. Chevreuils, il y en a 4. Hein. J'en balaye 4 en même temps, les 4. Ils sont au milieu de la route, les 4, ils sont morts par terre. Tous les jours, il y avait des accidents. Tous les jours, j'en tuais. Tu sens rien au camion, même pas le volant, il bouge. Hein. En semi, hein. Il n'y a rien qui bouge. Tu entends tac de la roue avant, c'est tout. Il y a rien. Même les autres roues, tu n'entends plus rien. T'arrêter, tu peux pas. Tu peux pas freiner comme ça. Tu vas t'arrêter à 2 km, c'est pas ce qui se passe. Oublie, tu peux pas t'arrêter. Et plein de choses comme ça. J'ai des renards, chiens, chats, j'ai tout écrasé. Et ça, après, quand je suis tout seul, je me dis, putain, les pauvres animaux. Mon Dieu, regarde au nom de la grande distribution. Exactement, c'est ça. Regarde, on défonce tout ce qui est beau, le col de Chavade. Je démontais tous les animaux. Bah, des fois, je roule un peu fort, pas fort. Mais ça fait du bruit, une semi, ça doit trembler dans les fenêtres. Hein. Et ils nous faisaient passer tous les villages d'Ardèche et tout pour éviter de prendre la nationale. Ouais. Alors que la grande distrib, elle payait l'autoroute. Hein. Ouais, et ben, moi, je ne la prenais pas. Donc 80€ tous les jours dans les poches du patron. Et vas-y, et vas-y, et vas-y, et vas-y. Mais quelque part, moi, j'achète pas la paix sociale, mais presque, en fait. Comme ça, pas de son, pas d'image, on m'appelle pas, on me dit rien. On m'envoie que le message de la nuit d'après. Salut, Salah, ça va ? Ouais, ça va, nickel. Moi, j'ai vu des chargements, les agneaux. J'ai chargé des agneaux. Bon, coupé, mort et tout, mais en entier. Ah, et ils sont où ? Il me dit, ils sont dans les rolls. Je dis, comment ça, dans les rolls ? Alors, tu sais ce que c'est qu'un roll ? Non. Le roll, c'est le truc en métal sur roulette. Ouais. Tu sais qu'on dirait un truc tout en métal entouré là. À l'intérieur, les agneaux crochetés, on peut en mettre 5, 4 crochetés. Mais quand tu bouges le roll, l'agneau, il va taper sur la paroi en métal. Ces rolls-là, jamais ils rentrent dans un magasin. En général, ils sont stockés dans les réserves. Ils ne sont jamais lavés. Moi, quand je les prends, ces rolls-là, je mets la main dessus. Hein. Je mets avec des gants. Hein. Mes gants, ils étaient dans la mécanique, ils étaient dans la merde, ils étaient tout. Donc, les agneaux, moi, je les ai touchés au travers le roll. Avec mes doigts, j'ai touché. Puis, quand tu le bouges, le roll, l'agneau, il tape. Hein. Il tape là. Et puis, ils me les mettent au devant, les rolls. Pour pas que ça glisse, ben, ils mettent des palettes derrière de marchandises. Après, ils mettent des rolls, ils mettent des lapins. Après, ils mettent des palettes de marchandises ben, pour pas qu'ils reviennent, les rolls, qu'ils bougent pas. Et ainsi va la vie. Tu vas livrer 3 magasins et c'est là que tu vois, quand tu tires le roll, tu dis, ah, il y a 4 agneaux, je crois, il y avait dedans. Et je dis, putain, mais c'est pas propre, ça. Et le roll, il dort dehors, il y a les rats dans les réserves et tout. Ils font ce qu'ils veulent. Demande aujourd'hui à des gens qui travaillent, donc les gens qui sont aujourd'hui, ils travaillent tous. Est-ce qu'ils ont le temps d'aller chez un agriculteur, acheter des pommes, et de chez toi, acheter des pêches, et chez toi, acheter du lait. Vaut mieux aller dans un endroit, t'as tout, tout est moins cher. Et puis en plus, on a des promos, parce que si on achète 5 produits, ils peuvent nous donner le 6e gratuit, ainsi va la vie. Ma femme, elle est comme ça à Carrefour. Quand elle y va, c'est 230€ de course. Hein. Ouais. Tout de marque, toute qualité. Enfin, même pas j'y vais tellement ça me dégoûte en fait. Mais bon, ça coûte quoi. Je veux dire, tu viens au boulot, tu as une petite famille. Je pensais, je dis, tiens, tu donnes à ta famille, Et puis laisse faire quoi. Et quand je découvre des choses qui sont pas très. Bah, un peu malsaines quoi. Et je viens demander des comptes quoi, sympa, en disant, hey, peut-être pas Letty, il faut peut-être pas faire comme ça parce que. Et puis bon, ça vient m'étouffer quoi, on me dit, t'as rien à dire, tais-toi, ah merde, ah non, mais non, et je veux dire, voilà quoi, et ça a poussé comme ça, moi on m'a porté des coups, je suis parti, j'ai pas répondu à ce moment-là, voilà, rien, que dalle. Que dalle, je jouais avec, je t'ai allé chercher à 16h le 23 juin les gars, j'ai joué avec, un goûter, une glace, c'est régalé. Ils ont joué un peu avec une tablette, des dessins animés, regardé des coloriages d'Halloween, des clowns. Elle est rentrée comme une hystérie. Je t'ai appelé depuis, je sais pas quoi. Mais calme-toi, grande. Les enfants, ils ont tout de suite blanchi, eu peur. Et je lui dis, mais t'arrêtes de ton hystérie là, montre-moi ça devant des gosses là, ton hystérie complet là. Tu vas te calmer un peu là. Et là, elle m'a chopé une grande. Et des claques, des bignes, un coup de bine dans la gueule. J'ai des preuves, hein, y a mes enfants. Et puis je me suis barré, j'ai dit non, je me suis retrouvé en bouffée de chaleur à l'extérieur, j'étais pieds nus, j'ai dit tu sais quoi, je prends un couteau, je dessoude tout le monde, mes gosses plus elle, rien à foutre. J'ai pensé ça, ça dure pas longtemps, j'ai dit waouh, humilié, tu sais les gens qui regardent par les fenêtres comme ça, je me suis retrouvé à la rue, j'ai dit non, je sors pas de prison, j'ai rien fait moi. T'inquiète, avec mes papiers, mon boulot, j'ai sauvé mes papiers et je me suis barré. Et là, à ce moment-là, putain, si t'es pas fort, ou t'as pas une finesse, t'as pas quelque chose, un peu de recul, prends des choses avec peu de recul. Après, bon, il y a tout qui va venir en ligne de compte. Hein. Il y a ça, les gars, il y a la faim, il y a à boire, t'as pas à boire, t'as pas à manger. Tu vois pas tes enfants, tu vis, c'est le reclus là. Hein. T'as pas de tabac, t'as plus rien et les portes se ferment. Ah merde. Donc je me suis dit bon, je vais essayer ça. Mais moi aussi j'ai poussé, je me suis dit bon, attends, je vais voir si j'ai vraiment confiance en elle. Tu sais, moi 3000 balles, je peux me les regagner et je vais lui donner en fait. On va qu'on se joint, mets des thunes sur le compte des enfants et j'ai essayé ça pendant 2 mois ou 3 mois. Je vais voir si vraiment elle tient la route, si l'argent ça lui brûle les doigts. Et surtout avec mon absence. Bien sûr, fais plaisir aux enfants. Si demain, ils ont besoin de s'inscrire dans une école de musique, c'est jouable. On peut leur acheter un instrument, on peut les inscrire à une école de site. C'est, t'as de l'argent quand tu gagnes 3000 balles par mois quand même. Hein, je te promets. Je dépense zéro, moi. Hein. J'aurais un camping-car à 40 000. J'aurais une Audi. J'aurais jamais. Elle s'achète des beaux trucs, elle fréquente des cassos, elle dépense tout, elle fait n'importe quoi, l'argent ça va vite. Les shampoings, les dentifrices, les boissons, le bazar, les biscuits, le frais, le surgelé. dit, moi, je veux tout mettre à zéro, je veux rien devoir. Comment on fait? Je me suis séparé en conflit. C'est ce que je te disais tout à l'heure, l'État il est pas responsable de notre bordel finalement. Tu vois, tu peux rencontrer une nana là, il y a la fraternité, ben, tu as le droit au coup de foudre de baiser avec elle, vous baisez comme des fous, vous faites des enfants, l'État il te dit rien quoi. Je veux dire, elle a des enfants, on va payer, ils sont malades, on va les soigner, mais le jour où vous, adultes, c'est le bordel, l'État n'est pas responsable de votre bordel. Je veux dire, il va venir, eux ils vont faire, ils vont écouter les uns et les autres. Et puis ils vont voir qui est quoi, mais tout ça, ça se fait déjà dans une longueur. Et en général, la longueur là, bah, c'est des conditions qui sont exécrables pour l'autre. Parce qu'en général, c'est une séparation, c'est des déchirements, c'est des enfants au milieu, c'est, je veux dire, c'est pas, tu vois. Et du coup, bah, n'importe qui, en fait, à ce moment-là, cassure de la vie.